Ta vengeance est complète, dit Valérie à l'oreille de Lisbeth. Hortense pleurera toutes ses larmes et maudira le jour où elle t'a pris Venceslas. Tant que je ne serai pas madame la maréchale, je n'aurai rien fait, répondit la Lorraine. Mais ils commencent à le vouloir tous. Ce matin, je suis allée chez Victorin. J'ai oublié de te raconter cela. Les Hulots jeunes ont racheté les lettres de change du baron à Vauvinet. Ils souscrivent demain une obligation de 72 000 francs à 5% d'intérêt, remboursable en 3 ans avec hypothèque sur leur maison. Voilà les Hulots jeunes dans la gêne pour 3 ans. Il leur serait impossible de trouver maintenant de l'argent sur cette propriété. Victorin est d'une tristesse affreuse. Il a compris son père. Enfin, Crevel est capable de ne plus voir ses enfants, tant il sera courroucé de ce dévouement. Le baron doit maintenant être sans ressources, dit Valérie à l'oreille de Lisbeth, en souriant à Hulot. Je ne lui vois plus rien, mais il rentre dans son traitement au mois de septembre. Et il a sa police d'assurance, il l'a renouvelée. Allons, il est temps qu'il fasse Marneffe chef de bureau, je vais l'assassiner ce soir.